Salut Charline. Ah bon, vous êtes au courant, aujourd'hui l'émission, elle se déroule depuis le Palais Royal. Wow. Et en public. Wow. Et pour fêter le réveillon du 1er mai. Hein, ouais. C'est quoi exactement ça? C'est en fait la veille du 1er mai. Donc on fête la veille de la fête du travail. Voilà, c'est ça. C'est génial, c'est génial. Bon, si on fait la fête, je suis désolé, il faut de la musique, il faut des tubes. Ah, idéalement des chansons sur le travail. Ouais, ce exactement. Qui n'est pas un thème facile. C'est très difficile en chanson. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion, c'est le bénéf. Elle est super cette chanson, j'adore. C'est vrai que c'est bien écrit, mais le travail, ce n'est pas un thème facile en chanson. Il a raison, et cette chanson ne fera pas un tube. Bah, non, moi, j'aime bien, oui, Fred. Oui, si vous voulez, j'en ai une autre sur le travail. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, allez, les vieux au boulot. Ah ouais, j'adore. Fallait penser à mourir plus tôt. Ah, super, ah, c'est super, cette chanson est super. C'est bien écrit, mais je reste convaincu que le travail, c'est un thème qui est difficile en chanson. Exactement. Et cette chanson, ce n'est pas un tube. Non, non, non, non, non, mais elle est. Ça s'entend directement. Non, non, elle est bien cette chanson. Je suis désolé. Non, non, non, non, non, non. Je sais pas, t'as une dernière. Attends, j'ai peut-être quelque chose. Le travail, c'est la santé. Ah, mais non, mais non. Rien mais non. C'est la console. C'est super. Non, ça, c'est non, super. Non, non, non, mais attends, Fred, il écrit très bien. C'est super bien écrit, mais le travail, ça reste quand même un thème qui est difficile en chanson. C'est la pire de toutes. Cette chanson ne fera pas un tube. Mais vous êtes sûr. Mais bien sûr, on s'y connaît en musique tous les deux. Tout ce qui est chanson sur le travail, sur l'organisation. Le travail, ça vous connaît. Boîte. Parce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines. Putain, c'est excellent. Chante les sardines. Si, si, si, ça, c'est bien. Excellent. Désolé, ça marchera jamais. Oui, c'est très très bien écrit, ça, Fred. T'écris super bien. C'est très beau. Et ça, ça peut faire un tube. Au fond de cette boîte. Chante les charlines. Chante les charlines. Parce qu'on est serré. Ah, si, on tient un truc. Au fond de cette boîte. France Inter, bonjour à tous et bonjour au public de la place du Palais Royal, bonjour au public de Bernard Maris. Vous écoutez l'émission qui fouette l'actualité à coups de brin de muguet et en direct du Palais Royal. Donc à Paris, voici les trois informations qui vont y passer jusqu'à 18h. La presse fait un gros effort d'originalité en cette veille de 1er mai. Elle titre « Les syndicats défileront en ordre dispersé ». Et nous, nous chercherons donc à savoir ce qu'est un ordre dispersé quand on emprunte finalement le même chemin. Ça fait plusieurs fois que je te croise. Tu es toujours sur mon chemin, tu veux quoi? Mais c'est peut-être toi qui es sur mon chemin, pas moi. Le moral des ménages va bien. C'est l'INSEE qui tire cette conclusion, en contradiction avec l'économie réelle, semble-t-il. Mais bon, toutes les études à la con, ça crée de la croissance, comme dirait Bernard, pour que le moral des ménages aille encore mieux. J'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Hein, je suis un être humain, je suis pas un animateur. Il n'y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins. Un supermarché peut tout à fait être classé monument historique. C'est de l'économie, attention. Et parfaitement, il y a des gens qui se battent pour hisser la grande consommation au niveau artistique. Vous avez par exemple, Mammouth écrase les prix, qui vous fait dans l'autre sens, Mamie écrase les proutes, oui. Et pour flageller ces trois informations, je suis accompagnée du satyre de l'actualité, pourtant coiffé comme un chérubin, Alex Vizorek. Mais vous me connaissez bien, Charline. Merci au public de Bernard Maris et du Palais Royal. Autour de la table, j'ai choisi que des pointures en économie à 17h20. Celui dont le taux de croissance tend vers l'infini, puisque quand il prend la parole, les idées croissent, jusqu'à épuiser toutes les ressources intellectuelles de son interlocuteur. C'est André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour à tous, bonjour Charline. Alors puisqu'on est dans l'économie, je vais vous parler du prix à payer pour qu'une sirène se transforme en chanteuse. Certaines y ont laissé leur queue, d'autres leur vie. Certains joueurs de blues ont vendu leur âme au diable. Et ma chanteuse, ma sirène du jour s'appelle Alani. Très bon pitch, André Manoukian. Vous êtes impeccable. À 17h30, Woody Allen a dit « Je suis marxiste tendance Groucho ». Lui, il est marxiste tendance Karl, mais aussi Groucho, Harpo, Zeppo et même parfois Thierry Marx. C'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler consommation aujourd'hui. Je suis allé voir des camelots à la foire de Paris. Les types sont capables de tout vendre, même moi. Ah, vous avez l'air sympathique, mais bon, l'air, ça fait pas la chanson. Ah, peut-être pas tout quand même. Alors, il vous a repéré. Et à 17h40, elle maîtrise vraiment l'économie. Enfin, je crois. Puisque quand elle me parle du troisième Kondratiev et qu'après elle me demande si j'ai bien compris, je réponds oui, puisque je ne réponds jamais non à une jolie femme dont je n'ai pas écouté le discours. Bonjour, Marion Lourd. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors de quoi nous parle la seule vraie économiste de cette table ? Je songe à lancer une agence de voyage, mais avec des destinations très très très choisies, vous verrez. Ah. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Georges Bidault. Vous débutez votre carrière... Ouais, vous ne saviez pas ? C'est bizarre de l'apprendre. Hein. Ouais. Voilà. Et moi, déjà... la première fois qu'on me l'a dit, j'étais comme vous. Hein. Moi, j'aime bien apprendre des choses aux invités sur eux. Vous débutez votre carrière de journaliste à l'Expansion en 73, c'est l'année de l'inauguration du World Trade Center. Vous participez à la création de LCI en 94, c'est aussi l'année de la création de Yahoo, que personnellement j'aurais appelé Youpi, mais c'est pas moi qui l'ai créé. Vous quittez TF1 en 2001 quand Steve Jobs dévoile la tablette iPad et ceci était une révolution. Et donc vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer. Allez-y de votre douce voix. De mon nom. Oui. Qui Jean-Marc êtes-vous Sylvestre. C'est Jean-Marc Sylvestre. Sur France Inter, Charline Van Hooker, Alex Vizorek, si tu écoutes. Je suis très content d'être là. J'aime tout. Oui, Jean-Marc Sylvestre. Je suis obligé de présenter mon passeport. Ah, mais c'est vous qui êtes né sous bidon. Voilà. Ah, ouais, d'accord, bah, je vois qui vous êtes. Jean-Marc Sylvestre avec nous. Vous connaissez bien cette maison, Jean-Marc, parce que vous êtes des années, vous avez été chroniqueur. 20 ans. 21 ans. Ils m'ont supporté pendant 21 ans. Chroniqueur économique donc à France Inter. Et c'est là que vous avez rencontré Bernard Maris. Alors on se dit, c'est pas la même ligne. Hein. Bernard Maris, Jean-Marc Sylvestre, sur l'échiquier de l'analyse économique, ce sont des lignes différentes. Et... Bah, vous entendiez très bien, vous étiez pote. Ah non, non. C'est un peu, non. Ah non, pas du tout. Ah pas du tout, enfin, alors sortez. Bon, il y avait une estime mutuelle quand même. Vous étiez un petit peu le côté obscur de la force. On a cohabité pendant près de 10 ans, tous les matins. Donc ça crée des liens, de se réveiller, prendre son petit déjeuner le matin ensemble. C'est vrai qu'on était sur des lignes différentes et c'est vrai qu'on s'estimait beaucoup. D'abord parce qu'on avait, la même formation, on avait quasiment le même métier parce qu'on était prof. On avait été prof quand on était petit, adolescent avant. Et puis on discutait assez violemment au début. Et puis, petit à petit, c'est vrai qu'on a appris à se connaître l'un et l'autre. Donc, mais jamais au point d'aller boire des coups après. Oui, mais ça, je ne vais pas vous raconter ce qu'on faisait après. Parce que c'est vrai qu'on se voyait de temps en temps après. Et à quel moment vous êtes devenu de gauche, alors? Au même moment où Bernard Maris est devenu un peu de droite. Et quand vous étiez tous les deux centristes, on appelait Dominique Seux. Et quand c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Je vais vous expliquer, je vais vous dire en deux mots, et je crois qu'on s'en est expliqué tous les deux. Mais on a arrêté, on a décidé ensemble d'arrêter. Parce que d'abord, 10 ans, on pensait que ça commençait à lasser. Et puis que la direction de France Inter trouvait que c'était bien une fois par semaine. Donc elle aurait voulu qu'on le fasse tous les jours. Alors bon, s'engueuler une fois par semaine dans un couple, c'est déjà pas mal. Si elle fallait s'engueuler tous les jours, on y aurait laissé notre santé. Mais on s'est aperçu qu'on devenait de plus en plus pragmatique, lui comme moi. Et que, étant de plus en plus pragmatique, on ne s'opposait plus assez violemment. Et pour le public, eh bien, il faut effectivement parfois polémiquer, parfois. Donc, on était très souvent, on était à la fin, je le dis hein, sans aucune forfanterie, on était parfois dans la posture. Pas dans l'imposture, mais dans la posture. Mais est-ce qu'il avait déjà réussi à vous convaincre sur certains aspects ? Oui, il m'avait convaincu sur certains aspects. Et moi. Je pense l'avoir convaincu, mais c'est pas moi qui l'avais convaincu. Les faits l'avaient convaincu d'un certain nombre de pragmatismes concernant à la fois la mondialisation, l'Europe, le système de production. Vous savez, l'économie, on a voulu en faire, et c'est spécifique à la France, un enjeu politique. Or, en réalité, l'économie, en ce qui concerne la production de richesses, c'est-à-dire la production de produits, de services, C'est très objectif. Il n'y a pas 3000 façons de créer. Il n'y a pas une façon de gauche et une façon de droite de créer de la richesse. Non, mais après, il y a qu'est-ce qu'on fait de cette richesse. Oui, non, mais c'est vrai que vous n'étiez pas d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais laissez-moi terminer. C'est courageux de le dire comme ça ici. Je suis pas. On va vous protéger. Non, mais écoutez, arrêtez. Je vais terminer. Je vous demande de vous arrêter. Je m'en. Non, mais vous pouvez. Excusez-le. Sécurité. Parce que voilà exactement l'exemple qui fait qu'on a le sentiment que l'économie est compliquée. C'est de votre faute. Je vais vous dire une chose, c'est que pour produire, l'économie, c'est d'abord de la production de richesses. Il faut produire des biens, des services, il faut produire du bonheur. Il faut produire tout ça. La question, c'est pas un débat, le journal public. Et alors, pour produire, attendez, pardonnez-moi, mais pour produire de la musique, pour produire une chanson, c'est un produit, ça. En tout cas, je vais vous dire, nous on a produit un peu de croissance en venant en taxi, comme le dirait Bernard Maris. Non, même pas, on hommage à Bernard Maris, dans l'atmosphère avec un peu de musique. On va équilibrer le discours, on va revenir un petit peu à gauche avec les vents en passe, ça va faire du bien à tout le monde. Je sonne dans les glaciaux, un groupe punk de Normandie. On répète dans la grange tous les mardis et les jeudis. Quand au bout d'un quart d'heure, on a assez fait de bruit, on s'assoit dans le foin et on chante ce refrain. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances au moins jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en rente que Louise attaque, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. C'est beau la Normandie comme le dit ma grand-tante Marie, mais si j'avais du blé, je partirais bien loin d'ici. Souvent les soirs d'été, je m'assois dans les champs de blé, je ferme doucement les yeux et j'écoute le pommier chanter. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. Si je pouvais, j'irais bien jusqu'au Mexique, boire de la tequila avec le commandant Marcos. Mais j'ai encore au moins 7 hectares à labourer. Je remonte sur mon tracteur et chante pour me donner du cœur. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances au moins jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. Mais j'ai pas un beau chapeau comme Manu Chao. Et j'irai en vacances seulement à Salo. Et j'ai pas de la place comme Didier. On s'en rend pas. C'est Manu Chao. Chanté par les Vampas. Vous êtes sur France Inter, nous sommes en direct de la place du Palais Royal. Nous fêtons le réveillon du 1er mai, journée spéciale hommage à notre collègue Bernard Maris. Et tiens, allez faire un tour sur salutbernard.org. Nous sommes en compagnie de Jean-Marc Sylvestre. Qui a fait un slam, hein. Il s'est jeté dans le public sur les Vampas, c'était très impressionnant. Jean-Marc Sylvestre, on avait pensé inviter Michel Sapin, ou Jacques Dutronc, ou Patrick Chêne, mais c'est tombé sur Jean-Marc Sylvestre, qui a travaillé 10 ans. Qui a travaillé ça y est, j'ai compris. Ça sur y est, cette j'ai compris. Chaîne avec Bernard Maris. Allez, dans 20 minutes, on retrouvera le Moment Meurice, notre envoyé très spécial, André Manoukian. On retrouvera Marion Lourd. On discutera avec notre invité Jean-Marc Sylvestre. Mais tout de suite, Alex Vizorek, une revue de presse. Hein, avant qu'elle finisse par emballer les légumes, on passe la presse en revue. Charline Van Macker. Non, mais je vous en veux pas. Mais... Alex Vizorek. Franchement, vous savez. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Allez, on commence par le Front National, c'est cadeau. Oui, avec des sérieux dommages collatéraux à l'affaire Jean-Marie Le Pen. Charline, est-ce que vous vous souvenez de ceci ? Je vous présente aujourd'hui notre 399e journal de bord. Allez. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, eh ben, vous avez sans doute reconnu la présentatrice Marie Derbet de Thunes. Elle a interviewé 399 fois Jean-Marie Le Pen pour son journal de bord. C'est la seule personne à avoir plus interviewé Le Pen que Jean-Jacques Bourdin. Eh bien, cette membre du FN a démissionné. Ah, oh. Ben, elle a enfin compris qu'il racontait que des conneries, c'est bien, c'est non, positif. Non, c'est l'inverse. Elle trouve que le FN n'est pas gentil avec Jean-Marie Le Pen, alors elle a préféré s'auto-virer avant qu'on la vire. Ah, oui, et comment vous avez dit qu'elle s'appelait ? Elle s'appelle Marie Derbet de Thunes. Ah, ben, le Le Pen va la recaser en Suisse, hein, vu qu'il met toute cette thune en Suisse. Oui, c'est pas gentil. Parce que moi, je voudrais rendre hommage à cette dame. Voilà donc ses derniers mots. Ben, je vous remercie infiniment, Jean-Marie Le Pen. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous fêterons la 400e, le 400e journal de bord. Ah, là, je crois qu'on boira un verre. On boira un verre, comptez sur nous. Eh ben, on boira pas de verre. Il n'y en aura pas de 400e. En tout cas, on souhaite un excellent 1er mai demain aux gens du Front National. Bon, Alex, vous m'aviez promis une bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle, Charline. J'ai eu très peur, mais apparemment, selon Challenge, les proches de Jean-François Copé ont déclaré que lorsqu'on lui parle de la primaire à l'UMP, il déclare « Je n'hésiterai pas à y aller. Alléluia !» Bonne nouvelle. J'en ai eu les larmes aux yeux. Une élection à l'UMP sans Jeff, c'est tellement triste. Oh, là. Et vous croyez qu'il a une chance? Ah bah, bien sûr qu'il a une chance. Si c'est lui qui compte les voix, tout est possible. Allez, remettez-vous. Oh là là, passons. Voilà, deux faits divers avant de terminer. Le premier à Montreuil. Oui, voici ce titre. Au volant, à 14 ans, elle percute un camion de pompiers et prend la fuite. Voilà, ça doit arriver. Hein. Déjà une femme au volant, mais alors mineure. Ah ouais, donc les blagues misogynes, c'est un jour sur deux. C'est un jour sur deux mois, un jour sur deux mois. Et on termine par la Belgique avec un fait divers un tout petit peu sordide. Oui, une femme tue son mari et cache le cadavre dans le congélateur. Voilà, chez Véronique Courgeot, on appelle ça du regroupement familial. Voilà, on est ensemble jusqu'à 18h avec Jean-Marc Sylvestre, vous l'aurez compris. On passe l'actualité au gris quelque chose, gris saucisse de la CGT par exemple. Hein. Je vous rappelle, on est le réveillon du 1er mai quand même. On va aborder avec vous le premier sujet économique. Nous fêtons donc le réveillon du 1er mai et pourtant toute la presse s'interroge aujourd'hui à quoi sert encore le 1er mai. C'est une sorte de variation du thème, les syndicats défileront en ordre dispersé. Mais donc, qu'est-ce qu'un ordre dispersé, sinon un désordre? L'important, en tout cas, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Elle en a passé un, elle en a passé deux, elle en a passé trois, elle en a passé quatre, elle en a passé cinq. Elle vole là-bas, en l'espace de 150 mètres, elle a doublé tout le peloton. C'est époustouflant. En l'espace de 200 mètres, elle leur a pris 50 mètres. Depuis 40 ans, j'avoue que j'ai jamais vu ça. Roquépine entre en tête dans la ligne droite poursuivie par Thierry Dodeux. Roquépine, le driver, lève un cravache. C'est l'attaque de Thierry Dodeux contre Roquépine. C'est l'attaque de Thierry Dodeux qui va malheureusement. Thierry Dodeux a battu Roquépine. Oh là là là là là là. Roquépine est battue. Elle a pris la tête trop tôt. À vous, Roger Lantin. Allez, Jean-Claude Mailly est arrivé premier faux sur la ligne d'arrivée, c'est merveilleux. Alors Jean-Marc Sylvestre, donc la presse se pose cette question, à quoi sert encore le 1er mai, à tel point que la CFDT demain va innover en organisant une journée festive, donc une nouvelle manière de faire le 1er mai, appelée Working Time Festival. Non mais c'est pas une blague, c'est la vérité. C'est-à-dire que le 1er mai doit se renouveler, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Non mais le 1er, on peut remettre en cause toutes les fêtes, toutes les commémorations, toutes celles que vous voulez. C'est pas, le problème n'est pas là, la fête du 1er mai, c'est pas la fête des syndicats d'ailleurs. C'est une fête qui a été organisée par les Américains, c'est d'origine américaine, c'est d'origine libérale le 1er mai. Ah oui, donc voilà. Le Working Time Festival, ça revient à leurs origines. Voilà. Bon, donc c'est effectivement une fête qui est d'ordinaire l'occasion pour les syndicats de montrer leur importance. Bon. Mais là, il y a un point sur lequel j'étais en accord total avec. On était en accord avec Bernard. Ah, il y en avait un. Avec Bernard Maris. Non, oui, il y en avait au moins. Il y en avait un. La cantine de Radio c'était, France. Les syndicats, le taux de syndicalisation en France était beaucoup trop faible. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de représentation syndicale. Donc, ce qui rendait finalement le débat économique, qui était un peu terne, un peu violent, il y avait la culture constante du conflit, alors qu'il aurait fallu qu'on ait... C'est toujours le cas ? Comment ça se fait que c'est pas réglé alors ? Eh bien, parce que les syndicats n'ont pas trouvé aujourd'hui le discours et le contenu de ce discours qui correspondent et qui permettent de rassembler des forces salariales suffisantes pour servir de contre-pouvoir au capital dans une entreprise, c'est tout. Quand vous dites que c'est une fête américaine, oui, c'est pour célébrer un anarchiste américain, oui. Qui a été exécuté parce qu'il a fomenté la première grève. Oui. Donc, on n'est pas dans le libéralisme. Si. Et alors là, c'est parce que l'anarchisme, c'est la caricature de. C'est l'extrémisme du libéralisme. Ah bon ? Ben oui, c'est la liberté la plus totale. Voilà. C'est la liberté la plus totale. Sylvestre, il met l'ambiance. Mais moi, j'aime bien. Ne critiquez pas le libéralisme, c'est un des plus. C'est un produit formidable de la France. Bien sûr. C'est la France. Voilà. on est tous là grâce à la liberté politique et à la liberté économique. Est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est pas qu'il faut transformer les syndicats en marques? Parce que la CFDT, c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire là. Mais ils peuvent se transformer en marques s'ils veulent. Le problème, c'est en mars, chocolat, des barres, ouais, des barres de chocolat. Ce qu'il faut, c'est qu'ils trouvent un contenu de revendication, qu'ils trouvent un terrain de Oh, il y en a beaucoup quand même aujourd'hui. Écoutez, s'il y en avait beaucoup et s'ils les avaient trouvés, ils seraient beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont. Quel est le taux de syndicalisation en France? Il est à peu près de 10%. À Radio France, il augmente. Hein, les syndicats sont là. Hein. Mais chez nous, Jean-Marc Sylvestre... Et le taux de syndicalisation est particulièrement fort dans les entreprises où il y a la sécurité de l'emploi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Chez nous, en Belgique, le taux de syndicalisation est beaucoup plus élevé. Oui, parce qu'il est obligatoire. Alors, oui, il est obligatoire. Ah oui, bah oui, alors dites-le. Attention, Jean-Marc. C'est vrai, c'est vrai. Parce que vous êtes nerveux, Jean-Marc. Et moi, je suis juste à côté. Et je commence à flipper un tout petit peu. Non, mais vous ressemblez à Bernard Maris, là, franchement. C'est un compliment. Ouais, c'est un compliment. Écoutez, oui, il est obligatoire pour toucher les allocations de chômage, mais il y a maintenant. Non, non, il y a maintenant la CAPAC qui n'est pas, elle, syndiquée, où vous pouvez y aller. Donc vraiment, ça existe. Oui, resservez-moi un petit coup à boire. On boit un petit coup de vin à la santé de Bernard Maris. Ce que je voulais dire par là, c'est que les syndicats en Belgique sont plus liés aux partis politiques, et on a même un syndicat libéral chez nous. Mais c'était le cas en France, oui, oui. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je ne sais pas. J'en sais rien, mais c'est vrai que le syndicat de la CGT était très lié au Parti communiste français. On essaye de convertir Jean-Marc Sylvestre aujourd'hui. Qui anime? À quoi? Le débat au maricisme, c'est la doctrine de Bernard Maris. Allez, un petit peu de musique adoucit les mœurs, c'est le débat. Non, on aime le débat vif avec Jean-Marc Sylvestre et on passe la main à André Manoukian. La dernière fois qu'on a reçu Bernard Maris ici, ça devait être un mois avant ce fâcheux événement, il nous avait dit qu'en fait, le problème de l'ego de nos entrepreneurs était qu'ils voulaient tous être des artistes. Finalement, le blues du businessman, c'est quelque chose auquel ils croyaient profondément. Alors là, le chemin pour être une chanteuse est un peu compliqué. Donc, une chanteuse, c'est une sirène, on est d'accord. Une sirène qui veut réussir doit payer le prix. Anderson, le conteur danois, lui fait perdre à la sienne de sirène son immortalité, afin qu'il lui pousse des jambes et qu'elle puisse épouser son prince et que sa queue lui tombe. C'est mieux de ne pas avoir de queue quand on veut se faire un prince. Bref, elle va le payer vie. Les épousailles avec le prince sont le symbole de l'accomplissement de sa vie professionnelle. Selon Jung, quand on rêve d'un homme, c'est son animus, c'est-à-dire c'est sa projection de soi dans le monde professionnel. Michael Jung, il a dit ça? Non. Carl Gustav. Ah, pardon. Et quand on rêve d'une femme, c'est son anima, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les représentations de son émotivité. Donc, il faut payer de sa chair, de sa vie, de son âme, parfois pour réussir avec son art. Le mythe de Faust est parlant lui aussi, rapport au sacrifice qu'il faut faire pour réussir. Là, c'est carrément au diable que l'on vend son âme. Comme le bluesman Robert Johnson qui raconte qu'un jour, à un carrefour, le diable lui apparut, prit sa guitare, lui accorda et de ce jour, il joua bien. Voilà, vous vous rendez compte tous les sacrifices qu'il faut faire pour Pascal Obispo n'a jamais rencontré le diable, on peut être d'accord là-dessus. Alors, elle s'appelle Ala Ni, et ça s'écrit Ala.ni, parce qu'en fait, son vrai prénom, c'est Ala, et en fait, elle s'était fait un site internet au Nicaragua. Donc, Ala.ni, elle a décidé de garder ça. Elle a fait un petit site, il n'y a pas très longtemps, qui a provoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit dans le monde de la musique. Elle est née à Londres, ses parents sont originaires de Grenade, une île des Caraïbes, et elle vient de loin. Elle vient pas de loin parce qu'elle vient des Caraïbes, elle vient de loin parce qu'en fait, elle a commencé comme choriste du groupe Blur de Damon Albarn et de Mary G. Blige, la diva néo-soul. Vous allez me dire, mais en quoi est-ce un problème? Au contraire. Eh ben, justement, rappelez-vous le film 20 Feet from Stardom, à deux pas des étoiles. C'est un film fabuleux qui est sorti l'année dernière et qui raconte la vie de ces choristes, de ces gens qui sont dans l'ombre. Et la grosse question, c'est, ils sont qu'à quelques centimètres des artistes derrière lesquels ils chantent. Et pourtant, et en fait, ils sont à des années-lumière. C'est pas qu'ils chantent moins bien. Certaines choristes chantent mieux que les chanteurs qu'ils accompagnent. Le problème vient d'où? Le problème, il vient quand un choriste peut chanter le bottin avec des intonations bibliques, mais on dit qu'il n'a pas de style. Parce qu'il n'a pas voulu prendre le risque de crever de faim en essayant sa propre voix, parce qu'il a choisi la sécurité d'un job de mercenaire en se cachant derrière une star, comme nous un petit peu ici, on a choisi un job de mercenaire en se cachant derrière Charline, et pourtant on essaie de faire un cœur harmonieux derrière elle. Le problème, c'est qu'il faut se faire une fameuse signature vocale. Alors, qu'est-ce que c'est que la signature vocale? Eh bien, Alani, elle va recevoir son salut, non pas du diable, mais d'un grand-oncle à elle, un chanteur de music hall qui était une célébrité interlope du Swinging London des années 30. Il s'appelait Leslie Hutchinson, alias Hutch, un personnage scandaleux, noir, bisexuel, qui fit sa carrière entre Harlem, Londres et Paris, et à qui on prête des liaisons avec des membres de la famille royale anglaise. En octobre 2012, on lui fait une commémoration, là où il a vécu, on dévoile une plaque, elle est là, et là elle se dit « Mais c'est ça la voix ?» Je vais choisir les années 30. Retour vers le futur, plus besoin de chercher une originalité à tout prix. Elle se laisse aller à la simplicité des sublimes ritournelles de cette époque. La modernité, elle va venir du dépouillement. La fragilité, la délicatesse, le velours de sa voix peut se déployer. Elle peut enfin donner libre cours à ses sentiments sans se poser de questions. Elle s'abandonne. Et il est dit quelque part dans un livre de sagesse gravé sur une carrière de marbre entre le Péloponnèse et l'Attique, abandonne et tu recevras. Et si la modernité, c'était d'assumer son passé? Allez, on écoute Alani qui nous chante Cherry Blossom. Cherry blossom by the river, flowing through the flowing of my heart. If you see me somewhere down the river, come and stand beside me, it's all sur France Inter, une découverte d'André Manoukian. Merci André Manoukian, Alani. Merci Charline. Toutes les informations, vous pouvez retrouver tout cela sur franceinter.fr bien sûr. Ah, vous savez, quand Bernard Marie s'expliquait l'économie, on avait presque envie d'aimer son banquier. Vous êtes à la bonne adresse. Donc sur France Inter, nous sommes en compagnie de Jean-Marc Sylvestre, chroniqueur éco sur Atlantico Business, et on peut voir aussi vos documentaires sur BFM Business, et un de vos prochains documentaires, vous êtes en montage sur l'histoire de Saint-Gobain. Oui, Saint-Gobain, parce que nous avons terminé le tournage. C'est un film qui va faire 1h, 1h20, 350 ans d'histoire. C'est la plus vieille entreprise française, et c'est aujourd'hui le numéro 1 dans le monde des matériaux de construction et de l'habitat durable, c'est-à-dire l'habitat qui assurera la transition. On l'appelle le Google de l'habitat, ah bon, le Google français de l'habitat. Donc à voir prochainement. C'est une entreprise qui a été créée par Louis XIV et par Colbert, et dans la Galerie des Glaces, puisque c'est eux qui ont produit les fameuses glaces qui reflètent le soleil couchant dans la Galerie des Glaces. Et on raconte l'histoire en voyant Louis XIV et Colbert avec tous les courtisans qui sont autour, et Colbert demande au roi, le roi remercie Colbert d'avoir créé la manufacture des glaces et des miroirs qui deviendra la manufacture de Saint-Gobain plus tard. Et Colbert lui dit, mais sire, pourquoi avez-vous fait cette grande galerie? Et le roi dit, j'ai fait cette galerie parce que ça relie l'appartement du roi à celui de la reine, ce qui fait que lorsque je passerai voir la reine le soir, toute la cour le saura, elle pourra jaser. En toute simplicité. Et pourquoi avez-vous fait les glaces? Pourquoi avez-vous fait ces glaces? Eh bien, les glaces sont faites pour que les courtisans qui n'ont rien à foutre puissent se regarder de pied en cap, et pendant qu'ils se regarderont de pied en cap, ils ne feront pas de politique. Nous sommes en compagnie de Stéphane Bern sur France Inter. Donc, documentaire à voir prochainement sur BFM Business parmi les autres, notamment les marques Bic, etc. Rappelons que vous avez des actions à Saint-Gobain. C'est utile quand même de le rappeler. Guillaume Meurice, oui, il asticote, c'est son métier, je vous le présente. C'est Guillaume Meurice, c'est à vous. Je voudrais bien. Oui, j'asticote. Alors, pour rester dans la thématique, je vais vous parler économie aujourd'hui. Jean-Marc, vous êtes sur le coup ? Oui, oui, oui, d'accord. Non, mais si je dis une bêtise, Jean-Marc, vous n'hésitez pas surtout à ne pas intervenir du tout. Je compte sur vous. J'ai une pensée spéciale pour tous les auditeurs qui nous écoutent dans leur voiture en rentrant du travail. Vous avez bien raison de travailler, car ça vous sert à rembourser le crédit de votre voiture qui vous servira demain à aller au travail. Et ça, c'est formidable. C'est d'ailleurs toute la logique que dénonçait régulièrement Bernard Maris. Eh oui, dans ses prises de position. Et moi, j'étais idiot. Je le croyais, Bernard. Je me disais, on nous incite à acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, juste pour créer de la croissance, mais en détruisant l'environnement. Je trouvais ça stupide. J'étais comme vous, bande de sales gauchistes. Voilà. Et je me disais, par exemple, les gens, ils n'ont pas besoin d'un épluche légumes électrique. J'étais vraiment con. Mais ça, c'était avant de rencontrer un vendeur d'épluche légumes électriques. Et oui, et c'était ce matin, à la foire de Paris. Regardez, vous me dites, ils n'en avaient pas besoin avant. Avant, les gens, ils n'avaient pas de machine à laver. Oui, mais là, c'est quand même pour couper des carottes en deux. Pas que des carottes, des oignons, par exemple, ça évitera de pleurer. Par exemple, les frites, plutôt que de les acheter toutes congelées, c'est dégueulasse. Vaut mieux se les faire soi-même. Vous voyez, regardez, des frites version McDo, mais en meilleur, avec des vraies patates. Hop, on arrête là, parce que je suis reparti avec 4 épluches légumes électriques. Et j'ai tout compris. Dans la relation entre le produit et l'acheteur, le vendeur joue le rôle de la vaseline. Alors, certains appellent ça de la sodomie, mais non. Le vrai nom, le nom technique, c'est la relance par la consommation. Tout le monde suit ? D'accord. C'est pareil avec le fouet, hein, le fouet de pâtissier, hein, pas celui qu'utilise DSK. On connaît tous le fouet de base du pâtissier et vous allez me dire, ça nous suffit. Eh ouais, parce que vous êtes des gros nuls. Voilà, parce que vous ne connaissez pas encore le fouet magique. Il faut l'acheter absolument à la foire de Paris. C'est le pâté. Sans le fouet, ça serait pas une bonne année. À ce point-là ? À ce point-là. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui passent une année de merde, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le fouet. Exactement. Mais ça, vous ne savez pas ? Ben, moi, je le sais. Non, vous le savez. Mais avant, parce que vous n'avez pas toujours eu le fouet. Non, mais on vivait pas très bien. Dans votre vie, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, il manquait quelque chose. Avec les vateurs ordinaires, on avait tout le temps mal au bras, des tendinites. Peut-être pas, j'exagère un petit peu, mais. Ah, ça veut dire que vous en rajoutez un peu ? Un tout petit peu. Non, à peine. Il exagère à peine. Parce que des tendinites, à cause des fouets pas magiques du tout. Il y en a eu plein, il y en a eu beaucoup. Rappelons qu'il y a eu une vague de faillite de kinésithérapeutes juste après l'invention du fouet magique, hein, d'ailleurs, c'est vrai. Hein. Tiens, pour vous rendre compte de son utilité, allons à présent à la rencontre des acheteurs du fouet magique. Une brave ménagère, par exemple. Pourquoi en a-t-elle acheté un ? Parce que je ne fais ni mayonnaise ni œuf, parce que j'ai toujours peur de les rater. Donc avec le fouet, là, j'ai eu l'impression que c'était génial. Alors pourquoi vous avez eu l'impression que c'était génial ? Bah, à le voir faire, ça me paraît très simple. Et on a l'impression que vous avez un doute. Ah, il faudra que je l'utilise moi-même pour voir si je le réussis, mais normalement, oui. Ah, mais vous l'avez déjà acheté, là, vous êtes foutu après. Ah oui, je suis foutu, mais tant pis, je me suis laissé tenter. Et oui, mais ça c'est bien, elle a raison de se laisser tenter. Au pire, elle le revendra sur eBay un peu plus cher à quelqu'un qui n'en a pas besoin non plus, et ça fera marcher le commerce. Ça augmentera le PIB de son pays et ça créera de la croissance. Ouais. Vous suivez toujours ? Vous êtes formidable. C'est bien, bravo madame. Et il n'y a pas que des dames, il y a aussi des messieurs. Vous aviez absolument besoin d'un fouet magique ? Bah, c'est vrai qu'on utilise toujours un appareil électrique. Ah, mais vous avez déjà un fouet électrique ? Oui. Mais qu'est-ce que vous allez en faire ? Ah, bah, il ne sert pas qu'à ça. Il a d'autres utilités. Il fait peut-être plus que ça, parce que là, on est quand même limité dans des quantités. Non ? Bah, vous avez acheté un truc moins bien, alors ? Ah, non. Bon, attendez, si vous me posez des questions comme ça. Hop là, un petit coup dans le micro en partant. Il était fâché, il n'était pas content. Il faut comprendre, c'est que ce monsieur est un combattant de la guerre économique. Ça, qu'il faut comprendre, d'accord ? Certainement un monsieur qui a un smartphone, dernier cri, celui avec la protection optimum de l'écran en verre trempé incassable, vous savez ? Mais non, vous croyez savoir, bande de nuls ! Parce qu'il existe des couches de protection encore plus optimum, en polymère deuxième génération. Eh ouais, et c'est un vendeur qui me l'a dit. Bah, c'est mieux, ça, c'est nouvelle, voilà, le verre trempé à 10 ans. Je vais pas dire que c'est pas bien parce qu'il y a des collègues qui le vendent un peu plus loin. Ah voilà. Je suis pas critiqué. Parce que donc c'est de la merde, les autres. C'est vous qui le dites. Il y en a qui ont essayé de leur dire, mais ils ont eu des problèmes. Alors moi, je vais surtout pas rentrer dans ce petit jeu-là. Ah oui, alors moi, évidemment, vous me connaissez. Quand il s'agit de rentrer dans un petit jeu, eh ben, faut pas me demander deux fois. Je suis donc allé voir son concurrent. Car c'est ça aussi, après tout, la loi de l'offre et de la demande. Alors, il y a un mec à côté qui fait des trucs en polymère. Il a dit que vous étiez les gros ringards parce que lui, c'est deuxième génération, il m'a dit. Alors nous, c'est cinquième génération. Je pense que deux, trois, quatre et cinq générations. Alors ce monsieur-là, je sais pas comment il s'appelle, mais moi, j'ai pas besoin de critiquer les autres pour vendre mon produit, donc je me concentre sur ce que je fais, et voilà. Le silicone, malheureusement, s'il veut jouer avec moi, bah, ça jaunit au soleil, Là, l'avantage, c'est du VR, ça adhère complètement, ça optimise la couleur de votre écran. Et bim, il n'a pas besoin de critiquer les autres, mais il le fait quand même au passage. Alors ne comptez pas sur moi pour le critiquer pour ça, hein, ce petit enfoiré, parce qu'il a bien raison, il faut bien qu'il le vende son produit, même si personne n'en a besoin. Car, comme le dit le vendeur d'épluche légumes électriques... Bah oui, mais on a toujours besoin d'appareils. Vous savez, comme on disait mon collègue, ça a été inventé pour être vendu. Eh oui, ouais. Eh ben, il a tout pigé, le collègue, évidemment. Ça a été inventé pour être vendu. Mais comme disait Coluche, quand on pense qu'il suffirait que les gens n'en achètent plus pour que ça se vende pas. Merci Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, oui, vous oubliez le plaisir de l'achat. Le plaisir de l'achat du fouet magique. Mais j'ai bien vu que les gens avaient un plaisir. On va en parler parce qu'on est ensemble jusqu'à 18h sur France Inter, sous les pavés et l'actualité en se réveillant de 1er mai, avec Jean-Marc Sylvestre. Tout de suite, le sujet 2, justement. L'économie va mal, mais d'après l'INSEE, le moral des ménages va bien. Je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Content. Et c'est ça qui est bien, le moral des ménages va bien. Alors, le moral des ménages et la consommation, il y a un article dans Libération aujourd'hui très intéressant à ce sujet. Mais je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, ça marche comment ? Parce que s'il n'y a pas de corrélation vraiment entre l'économie réelle, enfin les réalités qu'on vit et le ressenti des ménages, je me dis ça marche comment ? On se dit, ce matin j'ai la patate, je vais acheter un grille-pain. On se dit, ce matin j'ai pas le moral, alors je vais aller acheter un grille-pain pour me consoler. C'est quoi le moral des ménages, en fait, Jean-Marc Sylvestre ? Je crois que si on le savait, on aurait beaucoup avancé et beaucoup progressé dans la connaissance à la fois des mécanismes politiques et des mécanismes économiques. Je crois que tout ça est très, pas très relatif. Hein. Ça reste abstrait, alors, même pour écoutez, vous. Si vous allez en Italie, si vous allez en Espagne, où vous avez véritablement senti très profondément la crise... mais vraiment gravement. Vous allez en Grèce aujourd'hui où vous la sentez vraiment gravement. À profond, oui. Oui. Ils ont raison. Bon. Mais sur la France, vous avez eu des mécanismes que Bernard Maris appelait des mécanismes amortisseurs qui faisaient qu'on supportait parfois les difficultés. Et c'est vrai qu'un des problèmes de la France, enfin, un des avantages de la France, du modèle français... Ah, c'est ça, vous inversez souvent les deux mots. C'est pour ça que vous vous faites mal comprendre, souvent. Non. C'est ça, problème et avantage. Ah, oui. Voilà. Ben, ça, je vais vous l'expliquer. Ouais. Parce que ce qui est un avantage pour certains devient un problème pour les autres. Ah ben oui, j'imagine bien. C'est des fois, il y a un grand nombre, il y a un petit nombre. Non. Alors, il y a un avantage, c'est qu'il y a des amortisseurs sociaux qui font que lorsque vous êtes sans travail, vous percevez un certain nombre d'indemnités. Ça s'appelle des droits, en fait, ce que vous appelez des amortisseurs sociaux. Ça s'appelle un droit, en fait. C'est important d'utiliser les vrais mots. Oui, d'accord. Mais il y a des obligations derrière. Bon, donc, c'est un certain nombre d'avantages qui permettent à la consommation de tenir et à vos clients d'aller chercher le fouet magique. Le fouet magique. C'est formidable. Hein. Et ça, c'est formidable pour vous. C'est là où on n'était pas d'accord. Depuis le début, on n'était pas d'accord sur un truc. Là, j'ai trouvé que c'est... Bon, vous comprenez, j'ai compris qu'en vous écoutant que c'était formidable. Bon, vous avez combien de fouets magiques ? Deuxièmement, et parallèlement, eh bien, vous avez la nécessité de financer ces avantages-là, entre ces droits-là. Et pour les financer, eh bien, il faut soit s'endetter, soit accroître les impôts. Ou lutter contre la fraude fiscale ou des choses comme ça. Mais là, on est... Marion Loup, vous pouvez faire l'arbitre ? Je ne suis pas économiste, attention. Marion Loup, vous allez arbitrer, parce que là, moi je me demande simplement si quand on vend des rafales, ça fait monter le moral des ménages, et si oui, des ménages, mais à quel endroit ? Et dans cette salle, pendant le flash de 17h, on a annoncé la vente des rafales, vous avez tous applaudi, hein. Tout le monde était content. Vous avez applaudi comme des blaireaux, même, on aurait dit. Hein. Alors, question de Mario Lourdes, la vente de rafales, ça fait du bien ? La vente de rafales, ça va permettre à peu près 150 ou 200 000 salariés de conserver leur emploi. Bon, donc sur le court terme, ça fait du bien. Vous êtes dans un univers mondialisé où le commerce de l'armement tourne. La France est un des producteurs d'armes parmi les plus puissants. Entre nous, je sais pas qui vous sifflez là. Hein, ça, j'en sais rien du tout. Hein. Non, mais c'est un technicien. Le technicien qui passait derrière vous, c'est pour ça. En tout cas, le moral de Serge Dassault va bien. Est-ce que, Charline, vous me permettez de faire un sondage, parce qu'on ne connaît pas les gens là, est-ce que les gens de droite pourraient lever la main? Alors, je les compte. Jean-Marc, s'il vous plaît, vous pouvez y aller. Zéro dans le public. Ça, c'est pour te dire, Nazoli. Nous sommes en direct. Il y en a un qui a testé au fond, là. Nous sommes en direct du Palais Royal pour une journée hommage à Bernard Maris. On fête le réveillon du 1er mai, voilà. Oui, mais vous parlez. C'est l'esprit 1er mai. Ouais. Vous savez, le moral, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de sa situation familiale. Le type qui est amoureux. Et du fouet magique. Et du fouet magique, c'est vrai. Voilà, bien sûr, c'est la base. Quelque part. C'est la base. Des indices. Le type, qui a écouté une très belle chanson le matin, qui l'a complètement transformé, il est heureux. Ah ouais. Même, même s'il est pauvre et qu'il crève la faim, parce qu'il vient de se faire. Non, il est heureux. Il a écouté une belle chanson. Écoutez, arrêtez. Il ne faut pas tout ramener à l'économie. Mais arrêtez. Ne ramenez pas tout à ça. Et puis regardez la situation moyenne des Français par rapport à ce qu'elle peut être dans les pays du Maghreb. En Afrique ou ailleurs. Oui, il y a pire ailleurs. Il y a ça. Et là-dessus, croyez-moi, j'étais totalement d'accord avec Bernard Maris et on a milité ensemble. Voilà. Et paf, bravo. Guillaume Maris, bravo. Allez, c'est parti. Alors, faut arrêter. Vous êtes beau quand vous énervez, Jean-Marc. Non, mais faut arrêter. Franchement, on est des riches, on est des nantis. Mais grave. Mais j'en parlais à ma concierge. Allez-vous balader dans une banlieue. Allez-vous balader ailleurs. En tout cas, apparemment, l'INSEE a appelé les gens qui allaient bien. Ça, c'est oui, on va se détendre. Changer l'INSEE. On va se détendre parce qu'on va parler d'économie en se marrant, mais on se marre depuis le début, évidemment. On débat, c'est chaud, c'est formidable. Et c'est Marion Lourd. Marion Lourd, s'il vous plaît. Oui, et voilà, et avec l'inspiration donc, de Bernard Maris qui est avec nous par la pensée, je poursuis mon opération de reconquête économique des cœurs. L'économie, ce ne sont pas des chiffres, que des chiffres ennuyeux, des courbes de bénéfices, des montagnes de dettes. L'économie, c'est sexy. Et pour vous le prouver, enfilez vos tongs, votre maillot, vos lunettes de soleil, vous aussi, Charline, hein, avec votre bronzage scandaleux, là. Je vous emmène en voyage, voguons dans le sillage d'un certain Jean-Marie LP, partons faire un tour dans les paradis fiscaux. Voyage plus loin que la nuit et le jour, et plus loin que le trésor public. Figurez-vous qu'en cette période de déclaration d'impôt sur le revenu, entre deux courriels qui me proposent d'alléger mon impôt sur la fortune, j'ai reçu un classement des pays les moins fiscalisés, un petit coin de paradis. Alors, on y va, Charline. Oui, donc pour rendre ça encore plus sympa, vous avez prévu ce quiz, c'est ça? Un quiz, un top 3. Manoukian adore les quiz. C'est parti. Il faut une veste. Alors, top 3. Le numéro 1 des pays les moins fiscalisés, selon le cabinet Bradley Ackford, qui a produit cette étude, c'est un petit indice musical pour vous aider. Ah non, c'est pas l'indice, là, je me suis encore trompée. Je sais pas pourquoi, je confonds toujours Money des Pink Floyd avec l'hymne de Antigua et Barbuda. Parce que oui, l'île de Antigua et Barbuda, c'est notre destination numéro 1 pour l'exil fiscal. Elle fait son entrée dans le classement. C'est joli en plus. C'est pas mal, ouais. Certainement, ensoleillé. C'est win-win. Pays numéro 2. Quelqu'un a une idée, pays numéro 2? Jean-Marc Sylvain, vous êtes dans notre équipe pour y aller. Non, ouais. Bon, un deuxième indice. We want to go to the Big Ben. Ok, alors vous prenez la première à droite et la deuxième à gauche. C'est quoi, c'est Londres? C'est Angleterre? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, vous voulez parler anglais, non. Ah, excusez-moi. Ah, mais c'est chiant. On se parle moins à quelqu'un d'autre. Cherchez. Oui, je peux traîner. Ah non. C'est pas vrai, il y a des Français. Et le deuxième pays le moins fiscalisé, c'est donc le Royaume-Uni. Pas d'impôt sur le revenu ni sur la fortune du moment que c'est à l'étranger. D'après le maire de Londres, 240 000 Français vivraient aujourd'hui dans la capitale britannique. Je vous accorde que quand il pleut des chats et des chiens, les tongs, c'est pas forcément la tenue adéquate, donc pensez à vos bottes. Et voici notre troisième pays, indice. Pour avoir la foi, il faut être chardonnier. Pour être mal chaussé, il faut être cordonnier. Pour s'inquiéter la foule, faut chanter la pêche au moule. Monaco. Ah, j'aurais dit l'Arménie, moi. Je croyais que c'était Manoukian qui chantait. Ouais. La médaille de bronze de ce classement, c'est la principauté de Monaco. Les auteurs du classement vantent son offre de loisirs haut de gamme, sa sécurité reconnue qui attire des Russes et même des Suisses, figurez-vous. Et pour ne pas payer d'impôts, il faut juste être résident monégasque. Et pour ça, c'est simple, il suffit, c'est très facile, d'ouvrir un compte en banque et d'y déposer 500 000 euros. Voilà pour le podium des pays où il fait bon s'exiler. Sachez-le, les pauvres, hein, parce que rien de râler, hein. Pour toi, pour moi, pour lui, pour Gad, pour Jean-Marie, pour Jérôme. Alors si vous avez encore des envies de voyage, une dernière destination à vous proposer, là c'est plutôt pull de grand-père et bottes en caoutchouc, c'est le Liberland. C'est une destination toute belle, toute neuve. C'est un Tchèque qui vient de créer cet état sur un riant bout de terre entre la Serbie et la Croatie. C'est véridique, ça existe vraiment. La devise du pays, c'est vivre et laisser vivre. Ah, ça, c'est libéral, ça. Ça, ça a perdu. Oui, tout à fait. Et vite, Jedlicka, donc c'est le nom du fondateur dont je ne garantis pas la prononciation, s'est autoproclamé président. Il a reçu déjà 250 000 demandes de citoyenneté. Je précise que le pays fait 7 km², donc ça va être un peu de proximité. Sur le drapeau, il y a un soleil et un oiseau. C'est la liberté, quoi. Je vous avais dit que j'allais vous faire rêver. Hein. Quelques chiffres quand même pour finir. L'évasion fiscale, c'est 1 000 milliards d'euros par an. C'est plus de deux fois le déficit des pays européens. C'est aussi 59 millions de Renault Clio, quasiment une par Français, y compris les enfants. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 26 mai pour déclarer vos impôts en ligne. Ne faites pas la tête, vous me remercierez plus tard. Merci Marion Lourd. Et je rappelle qu'on vous retrouve tous les samedis dans On n'arrête pas l'écho. Et donc samedi à 9h10 dans On n'arrête pas l'écho, votre invité ce sera Bruno Lafont, le PDG de Lafarge. Exactement. Bernard Maris, lui, il aurait rebaptisé votre émission « On n'arrête pas les cons ». Eh oui. Je pense, hein, voilà. Et il n'a pas eu le temps d'entamer son prochain ouvrage « C'est dur d'être aimé sans un rond » aussi. Allez, vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie de Jean-Marc Sylvestre et on va aborder avec vous le troisième sujet, un sujet d'économie, mais vraiment de fond. Hein. Tout ça, c'est vraiment un supermarché peut prétendre à être classé monument historique grâce au talent de son architecte. Ce ne serait pas la première fois qu'un bloc de béton serait considéré comme faisant partie du patrimoine. Hein. On est place du Palais Royal, quelqu'un pas loin a habillé des colonnes en pyjama rayé. Donc c'est parti. C'est la cuissière de Jules Verne, cette villa loi mercenaire. Je la prendrai bien sauvagement en bande du tapis roulant. Quand je la vois, moi j'ai la vie. Ça passerait bien pour le rayon petit. Elle me vante les saucisses. Elmer Footbeat et du saucisson en promotion pour illustrer ce sujet. C'est un article paru aujourd'hui dans Le Parisien aujourd'hui en France, un supermarché classé monument historique. Dans la région parisienne, il y a un passionné qui a demandé au ministère de la Culture le classement d'un centre commercial construit par l'architecte Claude Parent. C'est un intermarché super, parce que c'est écrit en dessous. Un supermarché monument historique. Est-ce que c'est tout un symbole pour le libéralisme? C'est là où se marient le libéralisme et l'art. Jean-Marc Sylvestre. C'est à moi de vous poser des questions. Toutes les questions sont pour vous d'abord. Non. Et puis Guillaume intervient. Non, mais parce que c'est pas beau, c'est un supermarché, alors, la écoutez, consommation de masse. Et c'est un monument historique, on va pouvoir le visiter. Non, j'ai jamais considéré les supermarchés ni les grands centres commerciaux comme des symboles du libéralisme. C'est plutôt des symboles du monopole et de la consommation de masse qui peut être compliqué ensuite pour les producteurs qui essaient de vendre leurs produits. Vous allez récupérer le public. Ce que je veux dire, c'est que on est dans une ambiguïté totale parce que les supermarchés et les grands hypermarchés ont un succès énorme parce que ils font leur publicité sur le prix, sur le pouvoir d'achat. Il y en a même certains qui prétendent être les grands inventeurs, enfin les grands sponsors, défendeurs, avocats du pouvoir d'achat. Je pense à Michel-Édouard Leclerc, hein, qui se pose en défenseur du consommateur. C'est quand même extraordinaire. Et puis d'un autre côté, il faut savoir que pour vendre des produits dans un hypermarché à un prix très bas, il faut aussi les acheter aux producteurs à un prix très bas. Donc, il faut les acheter soit en Chine, soit dans des petits producteurs qui ont plutôt des difficultés à le vendre et à les faire. Donc, il faut quand même faut qu'on soit très nuancé dans cette affaire. Bon, quant au classement monument historique, je vois aucun inconvénient à cela. On commémore aujourd'hui l'anniversaire de Le Corbusier, une magnifique exposition à Beaubourg. Le Corbusier au départ. Qui a fait des très belles cages à la fin en banlieue. Très belles cages. Mais je signale que au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, Gustave Eiffel avait toute l'intelligentsia intellectuelle de droite comme de gauche contre lui quand il a fait la Tour Eiffel. C'est vrai. Et comme quoi, il y avait plein de choses à dire. J'ai une question, parce que est-ce que c'est pas les caissières qui vont finir au musée finalement avec les caisses automatiques? En tout cas, le patron de l'Intermarché dit les clients le verront autrement mon supermarché qu'un bloc de béton. Peut-être, mais on ne sait jamais. Mais oui, alors visiter on peut visiter les rayons. Pour le samedi après-midi. Oui, non, mais alors voilà, Claude Parent. Alors apparemment en 2012. Il sera ouvert le dimanche en plus. C'est vrai. Oui, comme les musées, mais alors fermé le lundi, qu'est-ce qu'on va faire? On ne comprend plus rien. Avec vous, Jean-Marc Sylvestre. Eh bien, on va faire une dernière petite revue de presse bien à deux voix. Allez, c'est parti. Oui, what do you want? Yes. No problem. Needs a no. Oui. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Vous le mettez? Again, the no. Drame au Népal, aucun candidat de TF1 n'est décédé dans le tremblement de terre. Oui, c'est un traumatisme pour la chaîne. Écoutez Gilles Boulot hier soir. L'une de nos victimes a pu suivre, l'une de nos équipes a pu suivre les sauveteurs français à la recherche de survivants à Katmandou. Voilà, on salue Gilles. Les Chinois boostent les résultats d'Apple. En effet, en Chine, les ventes d'iPhone sont en forte progression. Ils doivent être sacrément fiers, les Chinois, de pouvoir consommer massivement un produit local. Et on reste dans l'économie, mais avec une baisse. L'action Twitter plonge après l'annonce anticipée d'un chiffre d'affaires décevant qui a fuité. L'info, elle a fuité où ? Sur Twitter. Ah oui, c'est bien. Et on termine par une bonne nouvelle en Angleterre. Oui, un homme lègue toute sa fortune à un ouvrier altruiste avec qui il avait sympathisé et dont la famille attaque. La famille attaque. Et bien voilà ce qui risque d'arriver à Marine Le Pen si elle continue à ennuyer son papa. Enfin, si l'ouvrier en question est français, bien sûr. Sinon, c'est le Doberman qui va hériter. Merci Alex Vizorek pour ces informations de première importance. J'essaye de bosser. Ben oui, parce que le travail, ça crée de la croissance. Bien sûr, non, et de la rigolade. Non. De la rigolade aussi. Non, avant le travail, il y a le talent. Et ça se trouve où ça ? Comment ça se passe ? Est-ce que ça il y en a pas mal autour de la table. Vous êtes trop gentil. Non, l'économie, c'est le talent et le travail. Et voilà. Et le silence qui suit une phrase de Jean-Marc Sylvestre. C'est encore du Jean-Marc Sylvestre qui était notre invité. Merci beaucoup, Merci Jean-Marc Sylvestre. Merci d'être venu dans la cage au lion, parce que c'est pas évident. Je rappelle que vous êtes chroniqueur économique sur Atlantico Business et qu'on peut voir vos documentaires sur BFM Business et notamment prochainement un documentaire sur Saint-Gobain. Vous êtes en cours de montage. Merci de nous avoir accueillis. Place du Palais Royal, salutbernard.org. Allez-y, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée d'hommage à notre collègue Bernard Maris. Il y a des tables rondes. Si vous êtes pas loin de la place du Palais Royal, et bien il y en aura une qui va suivre. On fête le réveillon du 1er mai tous ensemble. Merci d'être resté avec nous sur France Inter. On laisse le mot de la fin aux commentaires du défilé du 1er mai à l'ordre dispersé en quelque sorte. C'est époustouflant. Je vais aux courses depuis 40 ans, je vous ai jamais vu ça. À vous, Roger Lange.